ville et de cette nation pendant trop longtemps. Tous leurs disques entachés de provocations, de lascivité, de grammaire effrayante les enverront en prison. Vous êtes ma seule et unique famille, alors je marche. Mais attention les mecs, si je trouve un truc meilleur que ce groupe, je m'arrache sans prévenir. Moi c'est mes titis, mes linguadas, juste entre banane, tout balade dans le pura de banane. Je suis fier de mes parents, fier d'être étudiant, je suis fier d'être métissé, moitié noir, moitié blanc, mais t'as trouvé un géant. Comme en bas au bar, si tu me frappes pour mal, tu recevras la patate de Rocky Balboa. Je me présente, moi c'est B-Ride qui gère le mic. Je connais pas dans le pleura mais que l'on trouve phénoménal. Moi je suis surtout dans rap et croc, qui représente son bloc, celui qui gratte dans le rap ce soir est tombé dans un bloc. Petit soldat, moi je suis ce bout qui s'arrache et qui se bouge avec une rage de ouf pour aller jusqu'au bout. Ah, mon rap illumine l'homme, flashant comme l'aluminium. Un disque d'or, mon minimum, du rap, moi j'ai le millénium. BDS, maudire, trop de chars, maudire, trop de salopes, star, à l'autre un star, car il y a mon 5 dans le business. BDS, roublesse, perdre dans le Guinness. BDS, maudire, trop de chars, maudire, trop de salopes, star, à l'autre un star, car il en manque 5 dans le business. TDS, roublesse, perdre dans le Guinness. Nico débarque avec un mic, en guise de pâte avec mes clarks, où je t'écrase comme une plaque. Le bitch qui la bite et tu dis que je fais du rap, speed KO étudie le flow avec un gros split de weed. Tu peux pas tester une 4L, je suis un poli. Quand je rappe les gens se testent comme ça qu'on voit, c'est du solide. Trop droit pour un fit, sorti au lit. Ou alors je file pas, fais-moi tomber torticolis. TDS, pour dire trop de chars, pour dire trop de salopes, trop de stars, à l'autre un star, car il en manque 5 dans le business. TDS, pour blesse, perdre dans le Guinness. TDS, pour dire trop de chars, pour dire trop de salopes, trop de stars, à l'autre un star, car il en manque 5 dans le business. TDS, pour blesse, perdre dans le Guinness. Appelle-moi R.O. ou sans cam avant, j'te canne avant, tu bouges ta tête sur ce son, tout comme avant. Je n'ai pas changé, à part que je vais prendre les devants, parler dans le ventre, les suivants, pendant que mes potes sont vendent. Moi j'appréhende les fausses bandes en bande. On brûle trop, derrière le marabout, ma mic, je vais les descendre. Pour les foutre ensemble, l'ensemble, de janvier à décembre. Avia, ceux qui veulent clasher sans préavis. C'est le K.A., c'est le bas, faites attention, devant moi tu bats, c'est que le début de mon ascension. TDS, c'est ma team, c'est ma famille, c'est mes sauces. Enfin bref, c'est magique, ça fascine, c'est une passe poste potentiellement dangereux. Le débon sort le grand jeu, c'est le danger. Petit point entre tes jambes, le rap, on vient le manger. Si t'es sceptique, toujours à la stack, ferme ta gueule, écoute les 16 titres, c'est du spectacle. TDS, pour dire trop de chars, pour dire trop de salopes, trop de stars, à l'autre un star, car il en manque 5 dans le business. TDS, pour blesse, perdre dans le Guinness. TDS, pour dire trop de chars, pour dire trop de salopes, trop de stars, à l'autre un star, car il en manque 5 dans le business. TDS, pour blesse, perdre dans le Guinness. TDS, c'est l'équipe qui vient se propager. Black Syndrome, AC1, ils diront qu'on est engagé. Red Poussin, tous ces 9-1, dans le sud de Paname, trop violent, comme le feed avec Enda. Soum de gros featuring, trop terrible. La vénère, futur proche, nous avons des rimes. Sur tous les sons, niveau rap, on met à la mort. Dédicace au R&B avec Rachel et les Black Diamonds. N'oublie pas GTA, toute l'équipe. Escamigas, Hiroshima, malfaiteur et son pire. Dans le rap, on met les pendules à l'heure. Un big up, Frontier, Sawyer, et surtout Joanna et Tyler.